Troisième partie. À la gare. Le train part à quel quai ? Je ne sais pas. Vous avez réservé votre place ? Oui, mais je ne trouve pas mon billet. Tant pis. Le train part à quelle heure ? À 6h30. Mais il est 7h10. Tant pis. Je peux prendre un autre train. Demain.